Worst of a fear in my eye. I'll love a split to the. Are you ready to restart the song? Are you ready? Drag again. Okay. Reboot. Ready to play the solo. I sing and after you play solo. Ready? I start the song, I sing and after chorus you play solo. You are okay. Be careful, I start the song. Ready? You are ready? Tommy! Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux quand nous étions amis. Dans ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.